Les petits poissons dans l'eau nagent, nagent, nagent, nagent, nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent si bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Poissons dans l'eau nage, nage, nage, nage, nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Poissons.